Et donc, bonsoir à Cyril et à... Ton micro, Gérard. C'est l'autre. Appuie. Voilà. Donc, bonsoir à Cyril et bonsoir à la crapette qui est au standard. Donc, comme prévu, les débats du jeudi soir. Donc, ce soir, le premier débat portera sur les médiums et le deuxième sur les films porno et les magazines porno. J'espère qu'on va s'amuser un petit peu parce que je voudrais bien qu'on s'amuse un petit peu le jeudi soir sur un des deux débats. Là, on vient d'entendre, c'est... Gangsta Paradise. De quoi ? Gangsta Paradise. Ouais, je préfère que tu le dises, Julie. Pour moi, c'est trop compliqué. Est-ce que tu peux nous rappeler les sujets de tes débats ? Donc, c'est les films porno et les magazines. Et puis, sur les médiums. Donc, j'espère que vous allez nous appeler nombreux. Donc, le numéro de téléphone, je vous le rappelle, c'est le 0803-08-5000. 0800 70 5000, et toujours le Minitel 3615, code Fun Radio, rubrique direct est à votre disposition si vous voulez réagir sur ça. Et pour les Belges, alors là, j'ai pas le numéro en tête, c'est le 00331 47 99 5000. Et n'oubliez pas, bien sûr, les soirées qu'il y a à venir, surtout demain et samedi. Ouais, j'ai juste un petit message de la part de Max qui a faim. Donc s'il y a des gens qui veulent venir manger, c'est-à-dire du saucisson, du pâté, du pain, du coca, il a faim le pauvre petit. Donc, ramenez-nous ce que vous voulez. Très bon gâteau au chocolat. Donc il y a chocolat, c'est bête parce que ça donne des crises de foie. Donc si vous avez du saucisson, du jambon ou autre, n'importe quoi, vous pouvez les ramener avec du coca. Et même s'il y a des belles filles qui veulent venir participer au deuxième débat avec Gégé, belle, on s'en fout, son téléphone. Ouais, mais même s'il y en a qui veulent se présenter devant la radio, n'hésitez pas à venir. Est-ce que déjà tu peux nous présenter Diana? Donc Diana, bonsoir. Bonsoir. Alors je tiens à préciser, moi je ne suis pas du tout médium. Hein. J'ai vécu une expérience dans ce domaine qui a d'ailleurs été un petit peu, disons, qui a failli être dramatique pour moi. Et je pense avoir une sensibilité télépathique qui a été exploitée lors d'une analyse thérapeutique. J'ai déposé une plainte conseil de l'ordre. Je tiens quand même à le dire, j'ai déjà raconté, c'était pour situer brièvement à nouveau la situation pour ceux qui n'ont pas entendu ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc j'ai reçu des menaces, etc., m'incitant à accepter la protection d'un médium qui aurait plus de connaissances que moi dans ce domaine. Actuellement, là, j'ai redéposé une plainte auprès du procureur de la République par rapport à cette situation. Et je dois rencontrer un avocat. J'ai eu contact avec un collectif de scientifiques. Voilà, tu veux Toulouse, juste numérer, on va s'arrêter là, parce que tu l'as déjà dit. C'est pour ceux qui n'auraient pas entendu. Donc, un collectif de scientifiques à Toulouse, Yves Lignon, qui s'occupe justement de ce genre de problème, c'est-à-dire des médiums, ou des personnes qui ont une sensibilité télépathique et qui subissent des pressions du fait de cette sensibilité télépathique. Bon, mais de toute façon, ce soir, tu as donc une expérience. Alors, je peux même vous donner le numéro de téléphone du médium, si jamais il y a un médium qui a des problèmes. Il accepte. Ah, Gérard a coupé le micro de Diana. Non, Diana, tu donnes pas des numéros de caméra. C'est avec son accord, Diana, que je donnais son numéro de téléphone. Je suis pas d'accord. Mais s'il y a un médium ou quelqu'un qui a vraiment des difficultés en ce moment. Alors sinon, il y a la DFI. Alors ça, c'est une association de lutte contre les sectes. Attends, là-dessus, c'est pas le sujet ce soir. Non, non, Diana. Mais c'est l'occasion d'émission ça pour donner des informations qui sont importantes. Moi, je n'interviens pas du tout ni en tant que voyante ni en tant que médium. C'est pas ma profession et je ne compte absolument pas en faire ma profession. Non, mais attends, Diana. Moi, je vais te dire une chose. C'est pas pour te mettre en colère, mais moi, je préfère te dire tout de suite que l'émission ce soir, je voudrais que. Tu as demandé que je me présente. Oui, non, mais. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, mais je voudrais qu'on fasse une émission, que ça se un débat, que ça tourne bien, parce que je voudrais pas qu'après que. Mais là, ça tourne justement. Que je suis en train de donner des informations importantes pour quelqu'un qui peut. Moi, je suis désolée, mais si à 7 ans, j'avais su où m'adresser, j'en serais pas où je suis là actuellement. Donc, la défi, c'est. Bon, c'est pas le problème. De toute façon, on va commencer le débat. Non, non, Diana, tu donnes pas des... On va commencer le débat. Gérard, mais pourquoi tu veux pas que je ne donne un numéro Parce que Diana, ce n'est pas le sujet. Tu le feras plus tard. Ah, tu as déjà eu l'occasion de le faire. C'est pas le sujet. C'est Gérard qui est là pour faire son débat. On peut trouver le numéro de téléphone dans Minitel. Hein, c'est dans le... Attendez. Bon, Gérard, s'il te plaît, tu te concentres. Et déjà, pour dire que sur Minitel, on a Nicolas, Hélène, Alex... C'est le 47, 97, et Diana. Et Zabile. Et Gérard, j'aimerais bien que tu accueilles les gens qui vont participer à ton débat. Et Diana, on arrête avec ton truc. Tu es là juste pour réagir sur le sujet si tu as des choses à dire. Cyril, tu te retires, s'il te plaît. Mais... Gérard. Oh là là, hey, oh. Tu sors alors sinon. Oh là là. Bon, Diana, c'est bon. Gérard. Bon. C'est pas une question de censure, ton numéro c'est sur une radio publique, donc ça se passe pas comme ça. Bon, Diana, c'est ton numéro perso. Diana. Ça y est, c'est bon, on arrête, on présente les gens, on fait le débat. Parce que moi, à 3h, j'arrête. Hein. Donc on accueille Boris, bonsoir Boris de Marseille. Bonsoir. Bonsoir. Oh là, je t'entends mal, Boris. C'est vrai ? Oui. Tu m'entends mieux là ? Non, pas tellement, non. Thierry, 23 ans d'Arcachon. Bonsoir. Bonsoir. Sonia, 18 ans, Paris. Bonsoir. Bonsoir. Laura, 18 ans, de Pontoise. Bonsoir. Je suis désolée, on a oublié les... Bonsoir, Sonia. Bonsoir, Sonia. Vous êtes nuls. On commence. Boris. Oui. Bonsoir, Boris. Bonsoir Boris. Bonsoir. Oh, vous vous réveillez derrière s'il vous plaît. Ouais. Oh là là. Allez après Gérard. Thierry. Bonsoir Thierry. Sonia. Bonsoir Sonia. Laura. Bonsoir Laura. Delphine. Bonsoir Delphine. Et Émilie pour finir. Bonsoir Émilie. Oh là là. Ça dort. Bonsoir Émilie. Bonsoir Sonia. Bonsoir Gérard. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Père Noël. Bonsoir. Donc on va commencer pour le premier débat. Alors êtes-vous pour ou contre les médiums? Alors Boris. Je suis totalement pour. C'est-à-dire. Donc en fait, voilà. Gérard, j'aimerais que tu me donnes d'abord la définition d'un médium pour toi. Donc, un médium, c'est une personne. Donc, j'ai pas eu le temps de trop chercher, mais je peux m'en souvenir comme ça, parce qu'à force de voir certains trucs. Il raconte que des conneries. Merci. Donc, c'est une personne qui peut vous dire ce qui va vous arriver dans les jours à venir. Les résultats du loto, par exemple. Dans votre vie. Sur le loto, sur le tiercé. Le quarté, le quinté. C'est bon, merci. Bingo. Donc, si millionnaire, ça marche. Mais j'ai un réponse. Non, mais de toute manière, je viens te répondre. Ok. Bon, et toi, t'es pour ou contre les médiums, Gérard? Moi, je suis contre, tout à fait contre. D'accord. Depuis que t'as rencontré Dana. Non. Pourquoi t'es contre? Parce que bon, en fin de compte, j'y crois pas du tout. C'est pour moi, c'est vraiment du bidon. Personne t'a dit que un jour t'allais être Gérard sur Fun Radio. Voilà. D'accord. C'est à cause de ça. Bon, s'il te plaît. Laisse la caméra tranquille. Tu fais de la télé comme de la radio. Non, mais j'ai pas besoin qu'il me la mette en pleine figure. T'as répondu à Boris. Boris, non. Donc t'es Boris, contre. T'es contre. Non, je suis pour. Ah non, tu nous as dit contre. Non, pour. Bon, alors pourquoi t'es pour? Non, moi je suis contre. Ah non, mais attends, mais prends pas les gens pour des cons, hein. Tu vas pas me faire violer au premier débat? Ah, c'est toi le problème. Oh lolo. Mais Boris a dit que t'étais contre. Ah bon? Mais non, il a dit qu'il était pour. Non, elle a dit que c'était pour... Faut pas mélanger tentacule et encultasseur, hein, ok. Je vais pas m'énerver sur le premier débat. C'est super drôle, Gérard, hein. Ouais, bah il est 1h49, je vais pas commencer comme ça. On va dormir. Faut arrêter le café, Gérard. Oh, Gérard. Hein? Oh, lui fais pas la tête, Gérard. Non, mais attendez, je vais pas m'énerver sur un premier débat. Gérard, sinon, ça va aller vite, moi j'arrête tout de suite, on met de la musique. Oh là là, mais t'es si petit. Bon, moi je suis content. Maintenant, gris, Boris, alors, hein? Boris, est-ce que t'es pour ou contre? Je suis pour. Alors pourquoi? Parce que c'est très bien. Non, mais tu baisses la radio derrière, s'il te plaît. Ah non, je n'ai pas de radio derrière. Alors t'es pour, pourquoi? Je suis pour, car ça permet de connaître l'avenir. Oui. Et tu crois vraiment à ce qu'on te marque sur l'horoscope et... Tu vas crever demain? Ben, je regarde, mais ça m'intéresse que quand c'est bien... Attendez. Si je peux intervenir, je dirais que là, c'est la définition d'un voyant. C'est-à-dire, un médium, c'est pas nécessairement un voyant, c'est pas nécessairement quelqu'un qui prédit l'avenir. Un médium ou une médium, c'est quelqu'un qui a une sensibilité particulière dans un domaine ou l'autre. Bon, ça peut être un domaine télépathique, c'est-à-dire, moi c'est ce que j'ai vécu comme expérience, c'est-à-dire que je pense que je peux communiquer à distance avec quelqu'un. Avec quelqu'un qui a la même sensibilité que moi. Thierry? Thierry, pour toi. Thierry, s'il te plaît. Allô? Oui. Allô? Thierry? Oui. Gérard, on t'entend plus, là. Bon, alors, est-ce que t'es pour ou contre? Moi, je suis contre. Et pourquoi? Parce que ça sert à rien de savoir ce qui va nous arriver, quoi. Mm-hmm. Parce que, imagine-toi, on te dit demain, tu auras un carton de voiture, tu vas pas te lever de chez toi, quoi. D'accord. C'est nul. Ok. Sonia? Ouais. Donc, moi, pour toi? Pour et contre, à la fois. Bah alors, donne-moi déjà le contre. Le contre, parce que bon, il y a beaucoup de charlatans qui te racontent des conneries. Mm-hmm. Et puis bon, le pour, bah, si tu tombes sur quelqu'un de bon, et ça peut te permettre d'éviter certains trucs, quoi. D'accord. Le contre? Bah, je te l'ai dit. Si, bah, il y a des charlatans qui peuvent... Alors, le pour. Bah, le pour, c'est que ça peut t'éviter de... certains trucs, quoi. Si maintenant il dit que tu vas faire un carton en voiture, tu prendras pas ta voiture. Non, mais attends, tu me donnes. Tu me donnes dans ces cas-là, on sort plus de chez soi, quoi. Mais attends, qui c'est qui parle là? Thierry. Ouais, Thierry. Dans ces cas-là, on sort plus de chez soi. Si on dit à chaque fois, il veut nous dire quelque chose. Ouais, mais Thierry, tu crois pas que Sonia nous donne les deux mêmes versions sur le pour et le contre parce qu'elle nous dit deux fois l'histoire du carton de voiture? Non, pas du tout. Non. Bon, c'est pas grave, autant pour moi. Donc on va demander, on va essayer d'activer quand même parce qu'on n'est pas là pour... Laura. Oui. Laura, alors toi? Moi je suis pour. Alors pourquoi t'es pour? Parce qu'ils m'ont dit plein de choses vraies, ça s'est passé. Ouais, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils t'ont dit de comme chose réelle? Oh, ils m'ont dit plein de choses, quoi, du style, comme quoi, plein de trucs, quoi. Trop de choses, quoi, ils y croient. Mmh. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ils m'ont dit comme quoi j'allais m'en sortir dans l'école et tout. Mmh. J'allais plus à l'école, j'ai retrouvé une école et tout, et puis voilà, quoi. D'accord. Vrai, ok. Delphine? Delphine? Delphine s'est absentée un petit peu, hein. Elle revient tout de suite, elle te prie de l'excuser, elle arrive dans deux minutes. Ok, donc on va demander à Émilie sa réaction, alors le pour ou contre. Ouais, moi je suis pour, oui. Parce que comme je sais plus, c'est Sonia, c'est ça? J'ai plus. Oui, c'est Sonia qui a dit. Ouais, moi c'est pareil, moi j'ai eu affaire à des voyants, mais bon, j'ai demandé conseil, du moins entre guillemets. Mm-hmm. Et ils m'ont dit des trucs vrais, ça s'est passé, et donc il faut savoir tomber sur le bon, c'est tout. Mm-hmm. Et voilà, donc j'y crois un petit peu quand même, avec un bon voyant du moins, ça peut marcher. Mmh. D'accord. Donc on n'a pas la réaction de Delphine pour l'instant. D'accord. Donc on va poser la deuxième question. Vas-y. Donc moi je vous dis tout de suite, je vous donne ma réponse à la première question. Moi je suis contre tout à fait, parce que je n'y crois pas du tout. Ouais, mais ça c'est une question d'y croire et ou pas d'y croire, quoi. Non, mais de toute manière, le pour ou contre, moi je suis tout à fait contre. Tu serais pour ou contre quand te disent ton avenir? Ah, mais moi, de toute manière, je vais te dire une chose, que mon avenir, je le vis moi-même, tu vois, à l'heure actuelle. Au jour le jour, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est bien de savoir, Gérard. Oui, mais je vais te dire une chose que... Ta gueule. Non, mais vous restez polis, s'il vous plaît, derrière. Hein. Du con. Bon, bah d'accord. Alors, allez, ta gueule. Enfin, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il n'y a pas à être pour ou contre. Il y a des phénomènes. Ils existent, des phénomènes paranormaux. Ce qui serait important... justement, il y a des phénomènes paranormaux et qui serait important de les étudier en tant que tels, façon scientifique. Et les voyants, c'est vrai, tout ce qui est voyance, astrologie, il y a énormément de charlatans. Je ne dis pas qu'ils sont tous des charlatans, mais il y en a. Et ce serait peut-être important, justement, de sortir un petit peu de cette voie qui n'est pas du tout scientifique et que les scientifiques, d'ailleurs c'est le cas d'ailleurs, mais ils ne nous le disent pas toujours, ils s'y intéressent déjà depuis plusieurs années. Mmh. Et je pense que ce serait important que ce soit étudié de façon scientifique et que ça ne reste pas du domaine du charlatanisme. Bon, de toute manière, je vais te dire une chose, Diana, là tu viens de parler du paranoïa, donc c'est le thème du prochain débat de la semaine prochaine. Donc Du prochain débat de la semaine prochaine. Donc, t'as dit un mot là que j'ai pas entendu. Paranoïa. Dis-moi-le dans l'oreille. Du paranoïa. Enfin, croyez-vous... Donc je pose la deuxième question parce que là faut quand même qu'on accélère parce que là on s'endort un peu. Je pense que je vais pas aller jusqu'au bout avec celui-là, hein, j'ai l'impression. Tu vas y arriver. Hein. Croyez-vous en quelconque une forme de voyance tarot et horoscope? Alors on fait vite, Boris. Pas mal, Gérard, tu peux répéter s'il te plaît. Gérard, c'est la même question que la première. Bah non, pour ou contre le médium, croyez-vous en quelconque en forme de voyance tarot? Si il croyait au médium, ouais, bon, d'accord. Complètement, mais bon. Alors donc, avez-vous déjà consulté un médium? Si oui, ces précisions sont-elles réalisées? Oh là là, je vais y arriver ce soir. Allô, Gérard? C'est qui? C'est Caramel. Oh, ouais, Caramel. Non, mais c'est bon, Caramel. Bonjour, Caramel. Salut, Caramel. Bonjour, Caramel. C'est Caramel. Ça va? Ouais. Ça va, Gérard? Bah, c'est bon, allez, Boris. Oui. Allez, on active là parce que. Gérard. Ouais, c'est bon, Caramel. Oui, Caramel. Bon, et Caramel dort, et bonne nuit. Allez hop. Bon, Gérard. Gérard, il a rien fait, il a rien dit. Non, mais moi, je veux pas m'endormir à 2h du matin avec un mec qui dit salut, Gérard. Eh ben, mène ton débat et pose tes questions. Alors. Gérard. Bon, ça y est, Caramel. C'est Caramel. Ouais, bah, ça y est, on le sait. Salut Caramel. Bon, allez, Boris. Salut Caramel. Alors, je voudrais répondre à la question, c'est quoi? Merde. J'ai un fluide qui l'énerve. Oui, j'ai été voir un voyant une fois. Bah, c'est bon, là, maintenant. Et donc... Il y en a un qui couche. Bon, non. Alors, Boris. Non, Gérard, tu peux écouter les auditeurs, s'il te plaît? Au lieu de t'énerver, ça ne sert à rien. Tu écoutes les auditeurs et la réponse qu'ils donnent. Bah, alors, maintenant, Boris. Oui, bah, je viens de te la donner, la réponse. Ouais, mais alors, j'ai pas entendu, parce avec la caméra en pleine figure, j'aime pas ça. Je l'ai déjà dit. Ça suffit! Mais tu te calmes, Gérard, calme-toi! C'est Caramel, là! Caramel! Bon, allez, vas-y, Caramel, parce que tu commences à m'énerver, là! Alors, moi, je suis pour les médiums! Non, tu peux. On en est déjà à la troisième question! Oui, mais hein. Gérard, je n'ai pas répondu à la première! Je m'en fous! Oui, donc, Gérard, comme je te disais, oui, j'ai déjà été voir un voyant! Et alors? Bah, j'ai. Voilà! Caramel, ça suffit, c'est pas à toi que je m'adresse, c'est à Boris ou à Thierry qui répondent! D'accord! Alors, Boris! Oh, vous vous réveillez là? Boris, tu te réveilles un peu là? Alors Boris, tu te réveilles? Bon, Sonia. Je crois qu'il faudrait repréciser la question. Ta gueule. Je vous pose la question. Bon, alors ta gueule. Eh ben, dans ce cas-là, vous me dites ta gueule. Le débat est terminé. On passera au deuxième débat. Pour ou contre les films porno? Bonne nuit. On passe un disque. C'est ça le droit à l'expression, ta gueule, toi, à la parole. Laisse parler Gérard. Gérard, tu as été vulgaire, tu nous avais promis que tu ne serais plus vulgaire. Non, mais dans ce cas-là, Caramel n'a pas foutu sa merde. Et avec la caméra, j'en ai ras-le-bol. Il n'a pas foutu sa merde, Caramel, t'as dit bonsoir. Ouais, mais Caramel, il dit bonsoir trois fois, il comprend pas la troisième question. Je suis désolé, on met un disque. Parce que tu lui as pas dit bonsoir. Mais Gérard, Caramel à l'appareil. Ouais. Bonsoir Gérard. Bonsoir, Caramel. Et ouais, ça continue. Caramel, ça fait 5 fois que je te dis bonsoir, c'est tout. Bonsoir, Caramel Gérard. Bon, ça y est. Donc maintenant, Gérard, tu te calmes et tu reprends ton débat. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Caramel. Bonsoir, Julie. Bonsoir, les filles, les garçons. Ceci est la question Minitel. Gérard, Zabil nous met. Gérard, je m'ennuie. Gérard, on s'ennuie. Gérard, laisse tomber les mots compliqués de la part de Steph, 45. Donc, il serait bien que tu te reprennes ton débat et que tu mènes un petit peu les choses. Avez-vous déjà consulté un médium? Si oui, ces précisions sont-elles réalisées? Caramel peut répondre? Alors, vas-y, Caramel. Alors, la question c'est... Bon, la question c'est que, pour l'instant, tu me prends pour un con, tu retournes au standard. Bonne nuit, Caramel. Comme ça, t'auras compris la question. Bonne nuit. Boris. Bonne nuit, Caramel. Bonne nuit. Bonne nuit, Caramel. Boris. Bonsoir, Gérard. Caramel. Bon, Gérard, bouge un peu. Je crois que c'est moi qui l'énerve. Non, mais ouais, c'est vrai, Diana, là, je crois que. Non, là, j'ai un fluide qui ne lui réussit pas du tout. Exactement. Hein, et ben j'ai rien fait pour ça. Pourtant, j'étais très gentille avec lui, mais je sais pas. Eh oui, ouais, je sais pas, il s'énerve. Hein, et pourtant, j'ai peut-être été trop gentille avec lui. Bon. C'est peut-être pour ça. Ah bon, ça Gérard est en train de s'énerver. On le voit se balader dans les studios. Là, c'est la crise. Je crois que vous l'avez énervé très très fort. Ouais, là, c'est donc. Pourtant, ils n'ont rien fait. Non, c'est clair. Allez Gérard, reviens. Demandez tous Gérard. Vous avez l'antenne pour vous. Gérard. Alors tout le studio manifeste. Allez, continuez, il faut l'appeler. Allez Gérard, reviens. Il se fait prier. Gérard. Il veut qu'on double son salaire. Gérard. Bon, on a l'accord. On double son salaire, donc je pense qu'il va revenir. Max est en train d'essayer de calmer le jeu. Gérard s'énerve en fait parce que Gérard est une star puisqu'il est filmé pour Fun TV. Je pense que vous l'entendez hurler dans les studios, dans les couloirs. Il est hystérique. Donc écoutez, je pense qu'on va s'écouter un petit disque, hein. Et puis on va revenir juste après. À tout à l'heure. Un merguez, voilà. Donc on va récupérer Boris. Présent. Thierry. Présent. Sonia. Présente. Laura. Présente. Delphine. Présente. Et Émilie. Présente. Oh, bonjour Émilie. Bon, bonsoir Émilie. Bonsoir. Une très belle voix Émilie. Oh, c'est gentil. Merci. Gérard aussi. Bon, ça y est, je peux poser la troisième question. Vas-y. Mais vas-y. Allez, accouche. Allez Gérard. Alors, Gérard, troisième question. La troisième question, c'est avez-vous déjà. Avez-vous déjà consulté un médium? Si oui, ces prévisions se sont-elles réalisées? Oui. Alors qui? Oui. Non. Émilie. Alors Émilie, pourquoi? Bah pourquoi quoi? Oui, j'ai déjà consulté un médium et oui déjà. Oui, c'est arrivé. Ouais, mais est-ce que ça s'est réalisé? Oui, ça s'est réalisé. Tu veux que je te dise exactement ce qui s'est passé? Oui. En gros, c'est que je devais aller. Je devais rentrer en école. Mm-hmm. Je savais pas du tout où, parce que j'avais passé plusieurs concours pour rentrer dans une école en France. Mm-hmm. Et voilà, et on m'a dit que je devais venir à Paris, et je suis à Paris. D'accord. Gérard? Oui. C'est Delphine. Oui, Delphine. Moi, j'ai jamais consulté le médium, mm-hmm. parce qu'en fait, moi, je suis un peu médium. Et je peux te dire que tu as rencontré le grand amour, mais tu le sais pas encore. Ok, d'accord. Et tu la connais. C'est Diana. Non, mais on sait déjà qui c'est, non? Tu crois pas? Alors, attends, Delphine. Delphine. Mais oui. Delphine, maintenant tu vas le dire et tu vas donner le nom de la personne que j'ai rencontrée. Ah, mais tu sais pas encore qui c'est, ça peut être n'importe qui. Non, mais attends, tu viens de me dire que tu as consulté quelqu'un et que c'est réalisé. Moi, je suis médium, un peu. Bon, alors dans ces cas-là, tu me dis qui j'ai rencontré. Mais t'as rencontré une fille, t'en as rencontré plein, et parmi celles-là, il y a l'amour de ta vie. Alors, c'est-à-dire qui? Mais j'en sais rien. Elle peut pas c'est te une loup que tu connais. Ça peut être feuille de rose ou j'en sais rien, moi. Par exemple. D'accord. Ok, Laura. Oui. Laura. Oui, je suis là. Donc, toi? Bah, moi, je crois aux voyants. J'en ai vu un plusieurs fois que je connais très très bien. Mmh. Et il m'a dit pour mon école et voilà quoi. Mmh. D'accord. Je l'ai trouvé. Sonia? Ouais, moi aussi, j'en ai vu un. Mmh. Il m'a carrément sorti le prénom. Non, mais parle plus fort, s'il te plaît. Il m'a carrément sorti le prénom de mon mec. Mmh. On n'avait même pas parlé, quoi. D'accord. Thierry? Ouais, moi, non, j'ai jamais été. D'accord. Ça m'intéresse. Ok. Boris? Bah, écoute, moi, j'ai été voir un médium une fois, et donc je vais te raconter en fait pourquoi j'y crois plus. Mmh. Le médium m'a dit que tu allais devenir beau. Hein? De quoi? Tu allais devenir beau. Qui? Un médium. Qui? Ah, je peux pas dire son nom. Non, mais qui va. Qui va devenir beau? On a à toi. Ah d'accord. Il donc, est déjà beau. Donc alors, il va attendez, devenir, stop. Il stop. C'est pour ça que j'y crois. T'as une douche avec Diana, là. Stop. On va maintenant, je vais demander la question à Diana en espace de deux minutes parce qu'on va quand même activer sur le débat. Elle n'est pas partie, elle. Elle n'est pas partie, non, c'est pas toi qui l'as invitée, d'accord. Donc, pourquoi toi non plus, d'ailleurs. De toute manière, c'est pas moi qui commande ici, d'accord. Ok, bon. On a bien entendu. Salut pour celle qui m'a parlé de ça. Donc, pour toi, Diana, qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, tout ce qui est voyance, astrologie, moi, ça m'intéresse pas du tout. Donc en effet, j'ai jamais... Non, parce qu'il y a une grande différence entre, c'est ce que j'ai déjà dit, tout à l'heure, entre être un médium et être un voyant. Je crois tout à fait à la sensibilité télépathique, puisque bon, j'ai vécu des choses dans ce domaine. Mais je pense, oui, avoir une sensibilité télépathique. Mais en sensibilité télépathique par rapport à Gérard, que tu non, non, non, non, mais ça... Là, il n'y a pas besoin d'être sensible. Non, non, là, attends, Diana, Diana, s'il te plaît. Diana, s'il te plaît, je te coupe. Celle qui vient de... Il est nerveux, ça, oui. Non, non, mais la question n'est pas là, c'est pas sur moi que ça se passe, c'est moi qui pose la question. Je demande à Diana la réponse sur le truc. Voilà. Ouais. Donc La réponse, c'est que bon, moi je crois pas à l'astrologie. Je pense qu'on peut certainement, justement, par une sensibilité télépathique, comprendre certaines choses d'une personne qui est en face de vous. C'est ce qui se passe pour les voyants quand ils peuvent vous dire des choses du passé, des choses de toi, et de par rapport justement à une sensibilité que tu dégages, des choses peut-être sur ton avenir. Non, d'accord. Mais tout ce qui est astrologie, moi, alors là, j'y crois pas. Alors, êtes-vous plus grave que les médiums? Donc on va demander à Boris. Êtes-vous quoi? Êtes-vous plus grave que les... Plus grave que les médiums? Qu'est-ce que ça veut dire, excuse-moi Gérard, parce que je n'ai pas compris. Plus aigu ou plus grave, c'est ça? Êtes-vous plus grave que les médiums? Ou plus aigu, c'est comme vous voulez. Une voix aiguë, une voix grave. Voilà. Plus quadriculeux ou quoi? Non mais Boris. Grave. Grave, pourquoi? Bah parce que, quand même. Non mais alors, explique-toi. Ah, je veux dire, il y a un médium. Attends, et toi, Gérard, t'es plus grave que médium? Moi, de toute manière, j'ai jamais été en consulté, hein, pardon. Non, mais est-ce que t'es plus grave que médium? Non. Pourquoi? Moi, je m'en fous. Non, mais plus grave. Non, mais est-ce que tu peux m'expliquer? Non, mais moi, de toute manière, je suis pas plus grave ni plus aigu. Moi, je suis... je suis neutre. Donc, voilà. En fait, on ne comprend pas la question. D'accord. Bon, bah, dans ce cas-là... Est-ce qu'il faut être plus con qu'un médium ou plus grave, c'est quoi? Bon, bah, alors, c'est bon. Si le médium est un homme, je suis plus aigu. Si le médium est une femme, je suis plus grave. Pareil. D'accord. Voilà. Alors, donc, croyez-vous en quelconque influence des médiums sur votre avenir ou réel de leur part? Non. Non, je pense pas, non. Non, alors... Non. Qui, non? Oui, non. Oui, voilà, non, attendez. Oui, non, Boris. Non, non. Oui. Boris. Non, oui. Non, peut-être. Pardon? Boris. Oui. Oui ou non? Non, peut-être. Non. Éventuellement, peut-être. Non. D'accord. C'est bon, Boris. Non, mais j'ai jamais été voir un voyant. Bon, d'accord. Thierry. Ouais. Allez, on s'en fout, on passe au suivant. Non, mais non. Voilà. Oh, il dort. Oh là là. Bon, possédez-vous un don de voyance? Non. Mais Delphine, oui. Non. Il y en a aussi. Bon, alors Delphine. Non, moi, j'ai aucun don de voyance. Mais je t'ai dit, moi, ce qui allait t'arriver. Bon, d'accord. Tu as rencontré l'amour. Bon, ok. C'est bon, on enchaîne. Comment elle s'appellera, Gégé? Oh. C'est qui? C'est Thierry. Ouais, alors vas-y, Thierry. Elle s'appellera Robert. C'est ça, t'as raison. Et pourquoi pas la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave? Bien. Ah, pourquoi pas la main de ta mère? Comment jeu, maître Capello? Ben, c'est bien. C'est les médiums sont-ils plus... Gérard, est-ce que t'as des dons voyants? Non. Non? Mais qu'est-ce que t'en sais? Parce que j'ai aucun don. Mais parce que tu m'as dit des dons. Pour moi, c'est vrai. J'ai aucun don de voyance, de toute manière, je n'y crois pas. Tu ne les exploites pas, il faut que tu les exploites. Mais même, je n'y crois pas du tout. Gérard, ferme les yeux. Non, mais attends, tu crois pas que je m'amusais à écouter tes conneries? Concentre-toi, Gérard. Mais écoute, Gérard, t'imagines, on va pouvoir se dire ton avenir, là. Ouais, bah, de toute manière, vous me le dites sans fermer les yeux, vous me dites après vous allez me dire votre avenir, chacun votre tour. Gérard. Quoi? Donne-moi ta date de naissance. Non, je te donnerai pas ma date de naissance en direct. Quel numéro entre 1 et 2? Eh ben, je te donne le 0. Gérard. Humour. Gérard. Allez hop. Gérard. Les médiums sont-ils plus faibles que les... Que Gérard. Numérologue. Écoute-moi, Gérard. Sont-ils plus faibles? Plus faibles que quoi? Est-ce que les médiums sont... Non, ils sont plus forts. Non, est-ce que les médiums sont plus faibles? Mais non, parce qu'ils ont des dents. Alors on peut faire quelque chose. Non, ils sont plus faibles que quoi? Mais s'ils font de la muscu, ils sont plus forts et voilà. Non. Ils sont plus faibles que les zigzilés. Voilà la fin de la plus question. Plus faibles que les quoi? Exilés. Non, mais c'est clair, les médiums sont plus faibles que les exilés, c'est clair. Écoutez. Mmh. Bah, évidemment, c'est clair, ils sont plus faibles que les exilés. Ouais. T'en penses quoi, Gérard, de ça? Moi, je m'en fous complètement. Non, mais tu t'en fous parce que tu comprends pas la question. Tu poses des questions que tu ne comprends même pas. Exactement. Mais qui a écrit les questions? Est-ce que tu peux nous expliquer les questions? S'il te plaît. C'est Thierry, là. Tu sais pas Quoi? Mais oui. Mais c'est évident. Eh, aussi t'as un pas. Non, non, il n'y a pas de Gérard, je t'aime. Ah non, c'est dedans, il est gazé. Oh là là, punaise, vous commencez. Alors donc. Oui, il y a ce qu'elle fait dans la forêt. Diana pose une question et je vous préviens, c'est moi qui contrôle la situation. Vas-y, Diana. Allez, Diana. Oh, Diana. On se calme, s'il vous plaît. On se calme. On se calme, vous laissez la question et c'est moi qui vous prends les uns derrière les autres. C'est bon. Avez-vous une expérience dans le domaine télépathique? Et si oui, laquelle? Donc, Boris. Tout à fait. Oui, mais alors, laquelle? Donc, une fois, j'étais là. Non, mais parle plus fort, s'il te plaît, parce que... Excuse-moi, Gérard. Excuse-moi. Mmh. Donc, une fois, j'étais là. Et mon copain était là-bas. Ouais, là-bas. Donc, ouais, bah baisse la radio, s'il te plaît, derrière toi. Pardon? Baisse la radio. J'ai pas de radio, Gérard. Bon, allez, Gérard, active. Donc, j'étais là. On dort, Gérard. Mon copain là-bas. Bon, Donc, comme j'étais là, bah, je pouvais pas être là-bas. Bah, oui, Gérard. Donc, de loin, voilà. Bon, ok. Thierry. Non, Gérard, as-tu compris, Gérard? Ouais, c'est bon, Thierry. Non, qu'est-ce qu'est-ce que c'est que la télépathie? C'est communiquer avec quelqu'un sans les paroles. Hein? Ouais. Communiquer avec quelqu'un sans parler, sans faire de gestes, ni rien, qu'avec la pensée. Voilà. Voilà, mais non, c'est avec quelqu'un qui est à distance ou qui a une proche distance. Ouais. On pourrait faire une expérience. Ah ouais. On ferme les yeux très très fort. Bravo pratique. On ferme les yeux très très fort. On se concentre. Et on reste Gérard. On pense dans les toilettes. On pense à Max très très fort. Ouais. Et on va voir s'il rentre dans le studio. Ouais. Ah, allez, Gérard, on fait une expérience. Non. Tu veux pas? Allez. Non, Gérard. Allez. Thierry. Thierry. Attends, Gérard, c'est un autre qui est rentré. Gérard, alors là, c'est raté. Bon. Gérard. En fait, Max. Je vais te dire. Gérard, t'as une question Minitel. Gérard, il y a une question Minitel de Ilide qui dit la télépathie, est-ce que c'est la maladie de la télé pour toi? Non. Gérard. Non. C'est quoi alors? Téléphone par câble. De quoi? Pathie télévision. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Non, mais je pose la question à toi, Gérard. Je te pose la question à toi. Moi, je m'en fous, hein. Bah, tu t'en fous? Non, tu sais ce que ça veut dire ou tu sais pas ce que ça veut dire? Est-ce non, que pour toi, c'est la communication de la télé? Non, c'est pas une Est-ce que c'est la maladie de la télé? Non. Non? On dit homéopathie, etc. Est-ce que c'est... Enfin, c'est pas... Je peux répondre, je trouve que la question est très intéressante. Parce que s'il y a une fascination par rapport à ces phénomènes de télépathie, c'est peut-être en effet dû à l'influence de la télé, des médias. Parce que maintenant, on communique énormément quand les gens... communique énormément par l'intermédiaire de la télé, du Minitel. Il y a une distance. Quand on voit qu'il y a des gens qui se rencontrent par Minitel, eh ben, oula, ça vous plaît pas trop ce que je raconte? Je crois que c'est un petit peu trop compliqué. Enfin, ça faut pas, aller trop loin. Faut rester très simple. Non, c'est bon. C'est très simple. Bon, j'ai compris le message. Gérard, tu reprends ta question, s'il te plaît. Tu as la radio, tu as un micro devant toi, tu as des gens qui t'écoutent. Donc, si non, alors c'est qui veut répondre? Yana, t'es bonne? Bon, c'est bon, elle a 45 pas de... ans quand même. Elle est folle en plus. Toi, la nana qui vient de dire ça, si t'es plus folle qu'elle, je me fais moine à la fin de l'année, d'accord? Bah, t'es moine alors, hein. Ok, on verra ça plus tard. Donc, quelle est la différence entre Diana et Gérard? Non, là, entre une banane volante Gérard. Et une tomate volante. C'est pas que j'ai du poil sous les bras. Gérard. Attendez, quelle est la différence entre eux? Entre un médium et un voyant. Mais je crois qu'on y a déjà répondu tout à l'heure. Ouais, je pense. Puisqu'on a dit, enfin, c'est moi, je crois. J'ai dit que, bon, un voyant, c'était quelqu'un qui prédisait l'avenir. Et qu'un médium, c'est quelqu'un qui a une sensibilité paranormale. Pas nécessairement télépathique, mais une sensibilité paranormale. C'est vrai qu'on ne connaît pas tous les mécanismes de notre cerveau. Et, Bon, alors là. Y en a qui arrive, toi, télépathie? De quoi? Est-ce qu'elle y arrive, y en a à faire la télépathie? Non, mais ça. Je pense avoir une sensibilité télépathique. Bon, mais moi, je proposais une expérience, mais personne n'a voulu. Elle est un peu bidon, ton expérience, quand même. Hein. On n'est pas là pour ça, de toute façon. J'aimerais que Gérard reprenne son débat, s'il vous plaît. Gérard, question suivante. Donc, c'est pas moi qui la pose. Hein. Elle va poser la dixième. La dixième avant d'attaquer le deuxième débat et on va changer d'auditeur. C'est vous qui répondez. Hein. Je pose une question, mais c'est vous qui répondez. Hein. Ils nous aiment pas. Non, mais c'est parce que. Attends, Diana. Non, mais attendez. C'est pas vos gueules, c'est vos gueules les mouettes, Blas les goélands, on pose la question et vous répondez chacun votre tour. Et c'est moi qui demandera aux gens de répondre et je demande la conclusion sur ce débat-là. Avant d'attaquer le deuxième, sur les magazines porno. Ah, j'adore ça. Donc, Diana, si tu veux. Stop! J'ai dit que on posait la dixième question et après on changerait d'auditeur. Avant, après le disque. Donc, Diana, tu poses la dixième question, ça sera la dernière du débat. Bon, est-ce qu'à votre avis, les phénomènes médiumniques doivent être considérés comme scientifiques et étudiés comme tels? Alors, Boris. Il va répondre à la question, hein, d'accord. Non, déjà, je vais demander à Boris qui réponde. Oui. Mais je crois, Gérard, qu'on a un auditeur qui vient d'arriver qui peut être très intéressant puisque c'est un médium. Ah ouais. Et c'est qui à la place de qui? C'est qui à la place de qui? Mon appel a été entendu. Bonsoir. À la place de Laura. Laura est partie et c'est qui qu'on récupère? Bonsoir. Donc un médium qui n'a pas voulu donner son nom. D'accord. Et si j'entends un mot connard, il va vite dégager. Donc Boris, la question, tu l'as très bien compris. Bonsoir. Merci. Merci de baisser la radio, s'il vous plaît, derrière. En demande entendeur, salut. Alors Boris. Allô. Allô. Boris. Oui. Tu réponds à la question. Boris, tu baisses la radio, s'il te plaît. Gérard, je n'ai pas de radio. C'est pas Boris. Non, mais j'ai pas de radio. Alors, Boris, tu réponds à la question, s'il te plaît. D'accord. Donc, je pense que... Enfin, nous vivons dans un monde... J'aimerais intervenir. ...ouvert... Ouais, mais après... C'est-à-dire que... Comment peut-on dire ça, alors que... Ah, le médium se manifeste. D'accord. Thierry? Bien sûr que c'est un instant. Quoi? Mais si... Je suis tout à fait d'accord, Thierry. Oui, j'aimerais intervenir. Bon, ouais, d'accord. Le nouvel arrivé, là, soi-disant qui est médium, alors vas-y, vite fait. Bonsoir. Salut. Bonsoir, médium. Bon, alors. D'accord, bonne nuit. Sonia. Ouais. Oh là là. Sonia. Ouais, moi j'ai rien compris à la question. Allô. Ouais. Oui, c'est Caramel. Ah, Caramel. Allez, Caramel. Bon, c'est bon. Conclusion. Médium, bonsoir Gérard. On peut peut-être laisser parler. Pardon. Tu pourrais laisser parler Caramel, Gérard. Ouais. Il t'a dit bonsoir, non, Gérard. Mais, pour l'instant, il va me dire qu'il n'a pas compris les questions et il va recommencer encore son cinéma de tout à l'heure. Je vois que Gérard est voyant, car effectivement, je n'ai pas compris la question. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Alors, les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Bon, est-ce que les phénomènes paranormaux. Alors, je repose la question. Est-ce que les phénomènes paranormaux doivent être considérés comme scientifiques et étudiés comme tels? Alors, je veux répondre, c'est Caramel. Alors, mange-toi, Caramel. Oui, alors, je voudrais répondre donc à la question de Gérard, surtout la septième, tout à l'heure, parce que nous avons... Non, non, bon, c'est la dixième, pour l'instant, tu réponds à la dixième. Il a le droit de répondre à la septième. Allô, Gérard. Les médiums sont-ils plus fiables que les XXL? Je sais pas ce que c'est, les XXL, déjà. Moi, je lis mon horoscope tous les matins. Ouais, mange-toi à la couche. T'es quoi comme signe? Pardon? T'es quoi comme signe? Vierge. Ah. S'il te plaît, Gérard. Non, tu feras pas partie du débat, sinon j'arrête. Gaël m'a dit que j'étais dans le débat. Non, Gaël, t'as rien dit du tout pour l'instant. Gaël m'a dit je dis que je virais tout le monde et que je reprenais des nouveaux auditeurs. Caramel à l'appareil. Caramel, c'est... Caramel, tu la fermes. Je fais partie du débat. Caramel, tu la fermes. Et Delphine. Oui, Delphine. Moi, j'insiste pour que Caramel participe au débat sur les films porno. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y aura pas de deuxième débat si vous me faites chier. Bon, Gérard. Mais on ne fait pas chier, on veut juste qu'il participe. Gérard, non. C'est dégueulasse, hein. On ne fait pas un débat sur la scatologie, mais un débat sur le porno. Non, mais alors, Caramel, pour l'instant, je te demande ta conclusion et tu la fermes. Ma conclusion, c'est que je suis content d'avoir participé à ce débat, Gérard, oui. Et je suis hâte de commencer le débat sur la porno. Non, mais tu ne feras pas le deuxième débat. Bonne nuit, Caramel. Gérard, elle m'a dit que je pouvais non. Pas. Gérard. Non. Caramel, elle a... Non, bah dégage, Caramel, bonne nuit. Émilie. Mais Gérard, je comprends pas ce qui t'arrive. Il est très gentil, il est très poli, et toi, t'es... Mais jaloux. Non, mais attends, pour l'instant... Non, alors, mais attendez. On démarre le débat sur le porno? Non, mais de toute manière, on change d'auditeur. Pour ou contre le porno? Je change d'auditeur, c'est tout. Oh non, Gérard. Je change d'auditeur. Oh non, Delphine. Oh, oui. Montre-nous ta bite. Moi? Non, alors, bonne nuit pour la conclusion. Vous êtes tous des cons sur le premier débat. C'est ma conclusion. Vous êtes tous des cons. Non, Gérard, tu ne comprends pas les auditeurs de cons. Gérard. Parce que t'es un con aussi dans ces cas-là, tu veux que je te dise? Calme-toi. Ouais, bah, peut-être. Mais dans ces cas-là, quand j'ai Caramel constamment qui sait pas à quoi répondre, pour moi, c'est un con. Caramel est resté parfaitement calme et parfaitement poli. Tu t'énerves. Non, mais Caramel, il n'arrête pas de. De poser n'importe quoi comme question, c'est pas ce qu'il dit. Alors, Caramel, dégage. Pose-moi une question, je te réponds. Non, bonne nuit. Mais Gérard, c'est ridicule. Bonne nuit. Pose-moi une question. Bonne nuit, vous allez. Les disques, c'est les frères Jacques avec les rocks. Hein, y a-t-il aussi le twist? Et je veux d'autres personnes pour le deuxième débat. Gérard. Caramel à l'appareil. Ah, Caramel. Tu peux me répondre, s'il te plaît? Vas-y. Non, mais on fera pas la pause tant que tu n'auras pas fini ton débat, Gérard. Tu n'as pas fait de conclusion. Mais je crois que tu devrais t'excuser aussi, là, auprès de Caramel. Gérard, arrête de faire l'enfant. Allez, Gérard, s'il te plaît, tu fais de la radio, alors tu prends ton micro et tu parles. Non, mais alors, déjà, Caramel, il va la fermer. Alors. Mais t'as que là, Gérard? Oui, Gérard, tu m'as appelé. Caramel, tu la fermes! T'as pris tes cachets, Gérard? Et toi, tu la fermes avec! Va voir ta gueule à la récré. Laissez parler, Gérard. Alors, Delphine, ta conclusion. Mais Caramel, c'est après, hein. Ta gueule, toi! D'accord. T'as déjà fait ta conclusion, tu dégages. Non, mais je ferai pas une conclusion dans une ambiance pareille, je suis désolée, Gérard. D'accord, ok, Delphine, bonne nuit. Ah non. Eh ben, bonne nuit. Ok. Alors, Sonia. Bonne nuit, Gérard. Ta conclusion? Faut faire attention au charlatan. De quoi? Faut faire attention au charlatan, faut pas aller voir n'importe qui. Ouais, ben. Et ça coûte rien à personne d'essayer, ne serait-ce qu'une fois. C'est vrai qu'il y a 18 ans? Ouais. C'est Caramel qui te parle. Non, mais Caramel, pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse, t'as déjà fait ta conclusion. Bon, est-ce que je peux avoir son numéro pour parler de porno avec elle hors antenne? Tu te débrouilles, tu vois ça avec Gaël au standard. D'accord. Et moi, je trouve Caramel charmant, personnellement. Merci beaucoup. Thierry. Merci les filles. Arrêtez parce que je vais être tout mou, après je vais devenir tout mou. Thierry. Oui. Caramel. Ta conclusion. Moi, j'aime les filles. Oui, pas de problème. Ok. Oui. T'habites en Paris? Oui. Ok. Thierry, ta conclusion. Oui, mais j'attends. Alors? Allô? Oui. Thierry, ta conclusion, s'il te plaît. Bon, mais j'aime les filles avec des gros seins, moi. D'accord. Christine, alors. Ok, merci pour celui qui vient de dire ce mot-là. C'est Caramel, de rien. Ah ben, Caramel, tu commences à me les gonfler. Gérard? Boris. Alors. Allô? Allô? Gérard? Bon, je peux faire ma conclusion? Bon, allez, Gérard, écoute. Allez. Bon, Gérard, écoute, Caramel. Caramel, tu commences à me les gonfler sérieusement. Il faut que je les vide, Gérard. Au secours, Max. Vas-y, Caramel. Vas-y, Caramel, mène-toi. Au secours, Max. Allô. Allez, Caramel, vas-y. Alors, je fais quoi, là, la conclusion? Oui. Ah, Caramel? Oui. Caramel, ta conclusion, s'il te plaît. On t'aime, Caramel. Eh ben, c'est que le débat était super et que j'ai hâte de commencer celui sur le porno. Non, et bah, Gérard tu est très gentil. Gaël m'a dit que je pouvais participer au deuxième débat. Non. Merci, Gérard, c'est Caramel qui te parle. Non, bah, moi Gérard, il te dit non, tu feras pas le deuxième débat sur les pornos. Gaël m'a dit oui, alors. Non, bah, moi, je te dis non. Ah, moi aussi, elle m'a dit oui. Mais c'est plus gay, le médium. Elle m'a dit oui, Gérard. Toi, ta gueule, la médium. Ça va être très triste, le débat sur le porno. Hein. Bon, bah, dans ces cas-là, il n'y a pas de deuxième débat. Il n'y aura pas de deuxième débat si c'est comme ça. Non, c'est moi qui vais le faire, alors. Tu vois, moi, tu ne crois rien du tout. Moi, je crois que Caramel devrait faire le débat sur le porno. Non, moi, je dis non, je pense que... Je dis, je change d'auditeur. Point final à la ligne. Tu veux les changer ? Change de prénom, si tu veux. Il n'a pas dit faire bourrer, Gérard. Comment ? Pourquoi tu veux les changer ? Parce que je vous veux plus. Mais je ne sais pas. C'est tout. Nous, on t'aime. Pourquoi tu ne nous aimes pas ? Donc... Le débat, toi, le premier débat. Gérard, c'est quoi ta conclusion? Ma conclusion, le premier débat. Vous avez. Bah, tu permets, je te la conclusion. C'est Caramel, écoutez-le. Bon, Caramel, tu la fermes, s'il te plaît, quand je parle. Bah, c'est moi qui mets de l'ordre. Ouais, bah, attends, Caramel. Pour l'instant, oui, c'est pas Caramel. Toi qui commande. Alors, vas-y, si c'est moi qui commande, écoutez. Vas-y, allez-y, foutez le souk. Arrêtez. On écoute Gérard. La conclusion, c'est que. Foutez le souk. Eh ben, bonne nuit. Arrêtez, on écoute Gérard. Gérard, tu reprends ton micro, s'il te plaît. Non, tu t'appelles en blanche. Caramel le chef, c'est Caramel le chef. Tu annonces le deuxième débat. Merci, Gérard. Caramel le chef, ça va les filles? Bon, ouais, Caramel, tu fermes. Dis Caramel, tu la fermes et tu dégages. Tu vas retourner au standard, je te veux plus. On t'excusez-vous, on écoute Gérard. Ouais, ben pour l'instant, c'est pas toi qui commande. C'est Gérard qui commande, c'est Caramel qui commande. On y va. Gérard, ta conclusion. La conclusion, c'est que vous avez rien compris dans le débat. Tes questions étaient idiotes. Eh ben, elles sont comme toi. Dans ce cas-là, t'envoies des questions au 143 avenue Charles de Gaulle. Comme ça, tu fais pas ton travail. Voilà. Dans ce cas, le deuxième débat, c'est les films porno. Ah, je veux y participer. Et les magazines porno. Non, je veux d'autres auditeurs. Je veux d'autres auditeurs, j'ai dit. Alors moi, j'aurais quelque chose à dire en conclusion. Je dirais que, bon, mais ce sujet, c'est une affaire à suivre. Et qui serait en effet important d'en parler peut-être dans d'autres lieux de médias, etc. Caramel ? Oui. Caramel, je peux parler ? Oui. Oui. Tu veux qu'on fasse un débat en tête à tête ? Oui. Ok. Allô, Gérard, c'est Caramel. Bon, Gérard est en train de s'énerver, donc je pense qu'on va faire une petite pause et on se retrouve pour le deuxième débat. Le disque pour le détendre. À tout de suite.